Juin 40, 1, 2, 3, 4 appels du général de Gaulle. We shall fight in France. We shall never surrender. Cette guerre est une guerre mondiale. Je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Ordre est donné à la délégation française de signer la convention d'armistice. L'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. C'est la répétition peut-être des appels du général de Gaulle qui a imprimé dans l'opinion et dans la mémoire. Il faut les entendre comme une série, il faut les entendre aussi en écho avec les messages du maréchal Pétain. C'est pourquoi, non sans malice, notre invité aujourd'hui, qui est par ailleurs une grande historienne de la période et de la France libre, est la dernière biographe du maréchal Pétain en la personne de Bénédicte Vergès-Chaignon. Vous m'entendez, Bénédicte ? Oui, bonjour. Bonjour. On va planter le décor tout à l'heure. Le président Macron est à Londres et il visite les lieux de la France libre. Mais le 18 juin, le général a couché dans un appartement ami à Summer Grove, un petit appartement. Il y a reçu parfois longuement, parce que il avait un petit peu de loisir, peut-être, en ses premiers jours, les premiers ralliés, et parmi eux, Georges Boris, le patron du journal La Lumière, à Paris, avant la guerre, et qui a entendu le général de Gaulle estimer devant lui les chances de réussite, je parle pas de la France libre, de l'Angleterre, à 50%, une chance sur deux, seulement. C'est ce que pensait le général de Gaulle, Bénédicte ? Oui, et c'est ce que pensaient les hommes qui se sont ralliés à lui dans ses premiers jours, les quelques hommes qui sont venus offrir leur service et qui pensaient qu'ils offraient aussi leur service pour se battre contre les Allemands sur les plages anglaises dans les jours ou les semaines qui allaient suivre. Les premiers visiteurs sont extrêmement étonnés de l'aspect physique du général. Plus tard, il l'aura vu le 7 juillet, Daniel Cordier dira « c'est un héron ». Un journaliste qui ne se ralliera pas, un Français du nom de Mangin, il a un œil d'éléphant. Deux Anglais, Cadogan, il a des hanches de femme. Nicholson, il a des mains efféminées. Attendez, je ne dis pas, ajoute Nicholson, qu'il a des mains de femme. Non, il a des mains efféminées, sans veines ni muscles. Effectivement, ses interlocuteurs tant français que anglais sont surpris par sa grande taille. Hein, il serait déjà grand maintenant, il l'était encore plus dans les années 40. Et puis, effectivement, par sa mollesse, quelque chose d'un peu tombant dans son physique, qui s'accompagne pourtant d'une grande froideur. Puis il y a le nom quand même qui va avoir un effet immédiat, De Gaulle. Ah oui, alors c'est une trouvaille marketing extraordinaire. Alors on va entendre trois appels. Celui du 18 juin, on le sait, n'a pas été enregistré. On va entendre des extraits de trois appels du général de Gaulle. Le premier, c'est celui que le grand public attribue d'habitude au 18 juin. Il date en fait du 22 juin et c'est à certains égards une amplification du premier message. C'est le premier, en tout cas, qui a été conservé, enregistré. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Moi, Général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Alors, l'invitation pressante à le rejoindre, elle est accompagnée, comme dans les conversations privées qu'on évoquait tout à l'heure, Bénédicte Vergès-Chaignan, d'une leçon de géopolitique. Les alliés de l'Allemagne, l'URSS, le resteront-ils? Les neutres, le resteront-ils? Il fait toujours cette leçon de géopolitique quand il parle en privé comme en public. Tout à fait, il a une conception de la guerre qui est en dehors du champ de bataille français. C'est sa grande caractéristique. Et puis ce discours du 22 juin, il se comprend aussi comme une réponse au discours que le maréchal Pétain a prononcé le 20 juin et dans lequel il justifiait la demande d'armistice et analysait brièvement les causes de la défaite. Et dans son discours du 22 juin, le général de Gaulle lui répond, sans le nommer, en désignant d'autres causes à cette défaite et en énumérant l'honneur, le bon sens et l'intérêt supérieur de la patrie donc, contre ce qu'il considère comme la capitulation et l'asservissement. Le 18 juin, il y avait l'appel du général de Gaulle, mais il y avait aussi un grand discours de Churchill à Westminster. Le 22 juin, il y a l'appel numéro 2 du général de Gaulle et un grand discours de Churchill aussi. Exactement. Alors nous sommes au jour où on connaît les conditions de l'armistice, mais il n'est pas encore signé. Il va être signé dans la soirée. Et donc, tant de Gaulle que Churchill essayent de faire valoir des arguments de dernière minute contre la signature de l'armistice. Et Churchill exprime sa douleur, sa stupéfaction. Et il sous-entend que le gouvernement français du maréchal Pétain n'est pas libre. Et lui aussi fait une opposition. La suggestion et la complicité s'il y a signature de l'armistice et si au contraire la France choisit de poursuivre la guerre avec la Grande-Bretagne, ce sera la grandeur et la liberté. Il avait le 18, le général de Gaulle dit ce soir et demain je parlerai à la radio de Londres. Il n'a pas parlé tous les jours, loin s'en faut, à la radio de Londres, mais il a parlé à la radio de Londres le lendemain du 22, appel numéro 3, le 23 juin. Alors le 23 juin, c'est le moment où il déménage dans un bâtiment décrépit qui appartient à Scotland Yard, non loin de la Tamise, Saint Stephen House, 4e étage, c'est assez miteux, mais enfin c'est quand même mieux que l'appartement privé du premier jour. C'est miteux et modeste, hein, parce que ça démarre avec 4 pièces. 4 pièces, oui, mais enfin, c'est mieux qu'une plus une, comme dans l'appartement précédent. Et puis, il a, semble-t-il, fait la promesse à Churchill de rameuter du monde autour de lui, à tel point qu'il se fait fort de créer un comité national français. Alors là, je vous prie, chers auditeurs, d'écouter attentivement, parce que autant l'appel du 22 juin est reproduit au point de devenir une rengaine, autant le discours du 23 juin est rarissime. Franck Olivard l'a retrouvé. Moi, je pensais qu'il n'existait pas. Il n'a été diffusé qu'une fois. Il n'a pas été rediffusé. Il n'est pas non plus imprimé dans les messages et discours du général de Gaulle. C'est l'annonce, peut-être prématuré, de la constitution d'un comité national français qui regrouperait des personnalités connues, installées à Londres, et qui pourrait rallier le général de Gaulle. Écoutez, c'est rare. Il va être constitué, d'accord avec le gouvernement britannique, un comité national français représentant les intérêts de la patrie et des citoyens, résolu à maintenir l'indépendance du pays, souscrivant aux engagements pris par la France et décidé à contribuer aux efforts de la guerre jusqu'à la victoire en commun avec les Alliés. La composition du comité national sera publié incessamment. Le Comité national français rendra compte de ses actes, soit au gouvernement français légal et indépendant, dès qu'il en existera un, soit aux représentants du peuple, dès que les circonstances leur permettront de se réunir dans des conditions compatibles avec la liberté, la dignité et la sécurité. Le Comité national français prendra sous sa juridiction tous les citoyens français présents en territoire britannique et prendra sous sa direction tous les éléments militaires et administratifs qui s'y trouvent ou qui viendraient à s'y trouver. La guerre n'est pas perdue. La patrie n'est pas morte. L'espérance n'est pas éteinte. Vive la France! Ce message inconnu mérite commentaire, Bénédicte Vergès-Chaignon. Alors déjà, on peut dire que nous ne sommes pas si nombreux à l'avoir entendu, effectivement. Et là, c'est vrai qu'il n'a été diffusé qu'une fois parce que, au fond, eh bien, la formation du Comité national français, elle a tourné court. Et les Britanniques se sont demandé s'ils n'avaient pas mis un peu la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que l'ambassadeur de France en Angleterre, Corbyn, Alexis Léger, autrement dit Saint John Perse, l'ancien secrétaire général du Quai d'Orsay, qui est à Londres, Jean Monnet, qui est à Londres, ont fait pression sur le gouvernement britannique pour leur dire que non seulement il ne fallait pas rediffuser, mais que le communiqué du gouvernement britannique qui suivait cette annonce et qui disait que le gouvernement britannique en effet reconnaissait le comité national, c'était prématuré, c'était malvenu. Absolument, parce que au fond, c'était susciter une sorte de gouvernement rival du gouvernement français. C'était couper les ponts de manière définitive. Et beaucoup des personnalités que De Gaulle a à l'esprit quand il évoque dans son discours la formation de ce comité, elles vont se récuser. Qu'il s'agisse d'André Mauroy, l'écrivain, de l'ambassadeur Corbyn, du député Kérilis, puis il y a ceux qui sont en Afrique du Nord et qui ne parviendront jamais jusqu'à Londres. Alors l'Afrique du Nord, Bénédicte, oui. on entend De Gaulle dire le comité national français rendra compte au gouvernement légitime, c'est-à-dire que on imagine encore que le président de la République, telle ou telle personnalité française rejoindra l'Afrique du Nord. Il y a des parlementaires qui partent sur un bateau, le Massilia. Et le général de Gaulle dit le comité national français rendra compte aux représentants du peuple français. Julian Jackson, qui intervenait ce matin sur France Inter, s'interroge toujours sur le côté républicain ou pas du général de Gaulle. Le général de Gaulle, il croit, à l'époque, en 40, au régime le plus efficace. Mais il n'est pas arépublicain, comme dit Jackson. Il rendrait volontiers compte à la République si elle subsistait. Oui, et à la République, et en l'occurrence même à la Troisième République, pas juste aux principes républicains et démocratiques, mais bien aux institutions telles qu'elles existent encore à ce moment-là. Tout à fait. Il n'y a pas de rupture à cet égard. Le maréchal Pétain est le dernier président du Conseil de la Troisième République. Cependant, exactement, il est à Bordeaux. Alors, il faut que la biographe de Pétain, vous avez publié un livre sur Pétain aux éditions Perrin, entende de nouveau, ça c'est pas rare du tout, les messages du maréchal de cette période. Qui sont pas rare, mais on ne s'en lasse jamais, Jean. On ne s'en lasse jamais. Ils sont le fait d'un pool d'auteurs. De Gaulle écrit seul, tandis que Pétain fait écrire ses discours. Il fait écrire ses discours et on pense que c'est lui qui, au contraire, aurait écrit l'appel très maladroit du 17 juin où il disait qu'il fallait d'ores et déjà cesser le combat. Donc on fait un pool d'auteurs pour essayer d'améliorer les choses. On fait venir Emmanuel Berle, qui est un journaliste de premier plan, qui a l'habitude de servir de plume à des hommes politiques. Et il fait partie de ceux qui vont écrire les discours du 23 et 25 juin. Alors on va les entendre. Le maréchal Pétain. On va les entendre dans la foulée, on ne s'en lasse pas, avez-vous dit. Alors d'abord le 23. La terre de France n'est pas moins riche de promesses que de gloire. Il arrive qu'un paysan de Cheny voit son champ dévasté par la grêle. Il ne désespère pas de la moisson prochaine. Il creuse avec la même foi le même sillon pour le grain futur. Monsieur Churchill croit-il que les Français refusent à la France entière l'amour et la foi qu'ils accordent à la plus petite parcelle de leur champ? Ils regardent bien en face leur présent et leur avenir. On aura remarqué l'allusion à Churchill qui est maintenant devenu l'adversaire numéro un. Et dans la foulée, le message qui suit le 25 et dont Ebal-Nebel-Berl dit c'est quand même beaucoup mieux que le premier. Sans doute y a-t-il participé davantage. Je hais les mensonges qui vous ont fait tant de mal. La terre, elle, ne ment pas. Elle demeure votre recours. Elle est la patrie elle-même. Un champ qui tombe en friche, c'est une portion de France qui meurt. Une jachère de nouveau emblavée, c'est une portion de France qui renaît. Nous avons à restaurer la France, montrer-la au monde qui l'observe, à l'adversaire qui l'occupe, dans tout son calme, tout son labeur et toute sa dignité. Notre défaite est venue de nos relâchements. L'esprit de jouissance détruit ce que l'esprit de sacrifice a édifié. C'est un redressement intellectuel et moral que d'abord je vous convie. Vous venez d'entendre l'allocution prononcée ce soir à la radio par le maréchal Pétain, président du Conseil. À peine l'encre de l'armistice est-elle séchée que Pétain prépare déjà les esprits à ce que Bernanos, du fond de son exil à l'autre bout du monde, au Brésil, appelle la dictature paysanne. Bénédicte. Oui, alors en réalité, je pense que cet extrait qui est la fin du discours, qui est relativement long, et il est particulièrement éclairant parce que il montre d'une part une succession de formules qui sont bien trouvées, qui sont stylistiquement ingénieuses, qui ne veulent pas forcément dire grand-chose et qui ne répondent quand même pas vraiment aux préoccupations, c'est-à-dire 10 millions de gens sur les routes, un pays battu, un armistice qui entre en vigueur et coupe le pays en deux, une reconstruction à faire, et, excusez-moi, mais c'est une sorte de blabla, effectivement, sur les vertus paysannes éternelles et le fait que chacun devra se débrouiller tout seul. Voilà, donc voilà comment s'annonce ce qui s'appellera révolution nationale, qui n'est pas un terme qui est choisi par le maréchal Pétain, qui lui va parler de redressement intellectuel et moral. Et ce qui montre dès ce moment-là qu'il n'a pas l'intention de gérer les affaires courantes ou d'être le syndic de faillite, mais vraiment d'entreprendre une nouvelle politique. Alors Emmanuel Berl, qui dit n'avoir pas compris l'importance historique tout de suite des discours du général de Gaulle, note qu'il coule d'une traite comme une coulée de bronze. Tandis que les discours de Pétain, c'est fait de briquet de broc, selon vous, parce oui, qu'on sent l'apport de chacun des auteurs. De chacun des auteurs, et puis on a gardé les formules les plus heureuses et on les a toutes mises les unes après les autres. Et d'ailleurs, Emmanuel Berl a raconté qu'il avait, en lisant l'appel du 18 juin, cherché une inspiration, d'où probablement un thème qu'on n'a pas entendu dans l'extrait, c'est-à-dire une réponse de Pétain à l'opportunité, ou plutôt à la non-opportunité de continuer la guerre depuis l'Empire colonial. Ça, c'est une réponse, bien entendu, au général de Gaulle, qui n'est pas nommé, contrairement à ce qui s'était passé à propos de Churchill dans le discours du 23 juin. Oui, parce que nommer de Gaulle, surtout avec le nom qu'il porte, et dont vous dites que c'est une excellente marque, c'est évidemment le valoriser inutilement. Exactement. Il parle pas bien, le maréchal Pétain, la biographe du maréchal peut dire ça. Écoutez, il a une voix qui est assez brisée, hein, qui est une voix où on sent quand même qu'il a 84 ans. Et puis, il bute parfois sur les mots parce qu'il lit son, son discours. Voilà, ce n'est pas un orateur exceptionnel. Tandis que de Gaulle, Maître Garçon tenait son journal pendant l'occupation. Et Maître Garçon dit, ce garçon, il a une élocution déplorable et il insiste curieusement sur les syllabes faibles. Alors oui, c'est vrai que le général de Gaulle avait prononcé dans sa carrière pas mal de conférences, mais c'est pas quelqu'un qui faisait des discours devant des assemblées publiques et encore moins à la radio. C'est pour lui quand même une première de devoir parler ainsi. Et c'est vrai, bon, il y a aussi le style oratoire de l'époque hein, qui pour nous nous paraît d'autant plus, enfin, qui nous paraît un peu étrange. Mais c'est vrai qu'il va falloir que les Français s'habitue à son élocution, au fait que ce sont des textes qui sont très écrits. Alors le dernier message du mois de juin, c'est un dialogue, un duel qui se développe avec le maréchal Pétain qui naguère a introduit parfois à l'école de guerre les conférences que prononçait le général de Gaulle. Ils se connaissaient bien, les deux hommes. Nous sommes le 26 juin. Monsieur le maréchal, par les ondes au-dessus de la mer, c'est un soldat français qui va vous parler. Vous appuyant sur les glorieux services que vous aviez rendus pendant l'autre guerre, vous avez revendiqué la responsabilité de demander l'armistice à l'ennemi. On vous avait fait croire, monsieur le maréchal, que cet armistice demandé à des soldats, par le grand soldat que vous êtes, serait honorable pour la France. Je pense que maintenant, vous êtes fixé. Cet armistice est déshonorant. Les deux tiers du territoire livrés à l'occupation de l'ennemi et de quel ennemi? Notre armée tout entière démobilisée. Et c'est du même ton, monsieur le maréchal, que vous conviez la France livrée, la France pillée, la France asservie, à reprendre son labeur, à se refaire, à se relever. Mais dans quelle atmosphère? Par quels moyens? Au nom de quoi voulez-vous qu'elle se relève sous la botte allemande et l'escarpin italien? Oui. La France se relèvera. Elle se relèvera dans la liberté. Elle se relèvera dans la victoire. La force des appels successifs du général de Gaulle tient à leur répétition et puis aussi à ce dialogue par-dessus la mer qui va peu à peu retenir l'attention des Français, Bénédicte. Oui, parce que, bon, alors vous l'avez rappelé tout à l'heure, à la fin de l'appel du 18 juin, le général de Gaulle a dit qu'il parlerait le lendemain à nouveau à la radio anglaise. Ça n'a pas été le cas, mais il a parlé souvent, il parlera fréquemment au cours des 4 années qui vont suivre. Et en tout cas, dès les premières semaines, il y a un bouche à oreille qui se fait en France, disant qu'il y a un général français qui parle à la radio anglaise que des Français avaient déjà pris l'habitude d'écouter depuis la déclaration de guerre de septembre 39. Et puis, eh bien, c'est le gouvernement du maréchal Pétain qui va faire aussi la publicité paradoxale du général de Gaulle par ses condamnations et ses attaques contre lui. Et donc finalement, eh bien, je pense que ça va devenir une habitude d'écouter Radio Londres et de guetter les interventions du général de Gaulle pour beaucoup de Français. Ceux qui font métier de nourrir les songes des hommes et de chanter leurs actions vont trouver pendant de longues années, dans la lutte du général contre le maréchal, des sources inépuisables d'inspiration, de fureur et de foi. Peut-être jamais dans l'histoire de France une telle symétrie de s'est présentée avec autant de génie, Bénédicte. Oui, et c'est vrai que ce sont d'emblée deux visions du monde et deux programmes pour la France qui s'opposent et qui vont bien au-delà de l'opposition des personnes, dont on n'oubliera pas néanmoins qu'elles se connaissaient depuis une trentaine d'années et que les deux hommes étaient passés par des phases, on va dire, d'amitié, de rapprochement, de coopération, puis d'éloignement et finalement de détestation. D'un côté, la terre natale, le sol, le bon sens, le regard et les yeux bleus. Et de l'autre, la mer, l'exil, l'aventure, la voix et l'oreille, la rêverie foudroyante, le général à Londres. Merci de votre intervention, Bénédicte Vergès-Chaignan. Je rappelle, entre autres, dans les nombreux volumes de vos œuvres complètes, Pétain chez Perrin, puis vous avez publié une biographie d'un héros à la vie courte, celui qui a assassiné Darlan en 1942, j'ai nommé Bonnier de la Chapelle. Je fais juste hommage à toute l'équipe qui a réalisé à distance ou ici même la marche de l'histoire, Hélène Kouyoumdjian, Mathias Alléon, et puis Frédéric Martin, Franck Olivard, Ilinka Negulesco, Juliette Gou et Audrey Ripouille.